on a l'impression de les forcer à aller très rapidement en guerre contre les terroristes. Ça veut dire qu'on peut parler d'une manière ou d'une autre de réveil des cellules dormantes terrorisme. Comment est-ce que vous vous expliquez cela? Si on doit effectivement s'en tenir à votre présentation du contexte, on comprend ce qui est derrière comme stratégie. Et les prédécesseurs, Dr Nouma, M. Eke, M. Dr Tchakounté et Diawara. Général Diawara, oui, ont très bien planté le décor. Le général Diawara, d'abord parce qu'il nous dit quel est le cadre réel. Il est au Mali. Lui ne voit pas les terroristes se mouvoir en toute quiétude, ne voit pas les terroristes menacer particulièrement la sécurité des Maliens. Mais effectivement, quand vous avez posé votre question, vous voyez, ce qui s'est dégagé, vous avez dit, on a l'impression qu'à un moment, les Maliens s'en sortent bien, mais là, on a l'impression aussi que ça s'est dégradé très vite. Et qu'on est, et on est les Maliens, ils sont sous pression maintenant. Ce contraste-là, c'est l'intention derrière. C'est d'entretenir la psychose. La logique du terrorisme, c'est même d'abord quoi? La terreur. C'est la terreur. Et or, qu'est-ce que la terreur? La terreur, c'est de créer un sentiment d'insécurité auprès d'une population. Ce sentiment d'insécurité est doublé d'une menace à l'atteinte de la vie des individus dans cette population. En ce moment, vous avez créé ce qu'on appelle la terreur. Parce que les individus savent qu'à tout moment, ils peuvent être touchés dans leur chair par quelque chose de mal. Or, le terrorisme, c'est le fait d'utiliser la terreur comme moyen politique pour passer un message ou pour atteindre une fin qui est toujours l'influence d'une décision d'un partenaire tiers. Voilà ce que c'est que le terrorisme. Dans les pratiques terroristes, les terroristes utilisent les actes d'insécurité, notamment les attaques armées, ou bien les attaques à la bombe, pour amener les populations à réagir d'une certaine manière et influencer ainsi les décisions des pouvoirs publics. Dans le cas d'espèce, les terroristes ont pour rôle de créer cette insécurité sur le territoire. La communication sur le terrorisme a pour but d'entretenir cet état d'esprit de la population qui a peur. Et cet état d'esprit crée chez la population un autre corollaire. C'est la perte de confiance aux autorités dirigeantes. Et le monsieur que l'a très bien dit, ils veulent que la population perde confiance. Or, Diawara nous dit quelque chose. Mon frère, le général dit que eux, quand ils se lèvent le matin, leur première préoccupation, ce n'est pas les terroristes. Alors, maintenant, il y a le timing de la communication. Timing est très important. Parce que l'offensive antiterroriste menée par l'armée malienne a atteint un seuil tel que aujourd'hui, si vous regardez, l'insécurité s'est déplacée du côté de la population vers les terroristes. Je tiens à rappeler que l'offensive... Qu'est-ce que vous voulez dire de façon concrète pour que ça... Tout à fait. Oui. Les Maliens, au Mali aujourd'hui, les terroristes peinent à recruter parce que personne ne veut plus être un candidat à la mort. C'est-à-dire que s'engager pour un groupe terroriste, c'est devenu très dangereux pour un individu. Fut-il au chômage, il comprend qu'il vaut mieux encore mourir de galère que de mourir très vite sur le front contre l'armée malienne. Je vais prendre un exemple. Il y a de cela 2 semaines, on a retrouvé dans une brousse du côté de Mopti, au Burkina, on a retrouvé dans une brousse des terroristes qui sont décédés de famine. De famine. C'est pas une attaque de l'armée. La famine. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus sortir pour se ravitailler. Ça, c'est au Burkina. Au Mali, il y a bien plus que ça. Il y a des terroristes qui se rendent. On ne communique pas assez là-dessus. Il y a les terroristes qui arrêtent de combattre. Mon frère Diawara a parlé du général Gamou, qui est allé à réunir plusieurs anciens combattants, plusieurs anciens membres de la CMA, et leur a dit, mes frères, arrêtez cette bataille inutile. Ce sacrifice est vain. Ça s'est passé la semaine dernière. Et ils ont tous embrassé le message de paix du général Gamou, porte-parole là, des forces armées maliennes et du président Assimi Goïta. C'est ça l'inversion de l'insécurité. L'insécurité, c'est maintenant dans le camp terroriste. C'est eux qui se convertissent maintenant en acteurs formels de la politique au Mali. Parce que quand ils vont sortir du terrorisme, ils vont devenir tous des acteurs politiques. Ils vont créer des formations politiques. Pour ceux qui n'ont pas encore créé, ils vont adhérer aux formations existantes. Et ils vont participer du jeu politique normal au Mali, abandonnant ainsi leurs anciennes activités. Mais la promotion qui est faite par les chaînes, les médias occidentaux, c'est dans deux logiques. La première, passer le message au niveau international, surtout avec la prorogation de la MINUSMA, du mandat de la MINUSMA, qu'il n'y a pas de sécurité au Mali. C'est le premier cible, l'international. Passer le message au Conseil de sécurité, parce que quand M. Rivière, qui est l'ambassadeur de la jeune française au niveau des Nations Unies, prendra les données, il va mobiliser les données de ces médias-là. En disant, mais nous vous avons dit qu'il y a de l'insécurité. D'ailleurs, le journal Le Monde, Libération, le journal... il va citer tous ces vuvuzelas de la jeune française qui travaille en fait pour ce sombre dessin. Vous savez qu'il y a peu de temps, en mars 2023, on a découvert des vidéos de l'armée française qui patrouille encore avec les forces de la MINUSMA. Donc, pour eux, la MINUSMA est vitale pour continuer à violer les accords internationaux, violer le territoire du Mali. Voyez un peu le sens. À l'international, c'est l'un des premiers éléments. Le deuxième, entretenir la psychose. Il faut que la population ait peur. Que le citoyen lambda, quand il va passer un peu sur cette information, se dit, ah, il y a encore les terroristes, ils sont dangereux. Même s'il ne les voit pas, il se dit qu'ils sont quand même quelque part. La psychose ne veut pas dire que la menace est réelle. La psychose est différente de la terreur. La psychose peut être une peur éprouvée pour un élément existant ou bien pour un élément imaginaire. Donc, pour entretenir la psychose, on va vous dire qu'il y a encore des terroristes. Et ça crée un imbroglio dans l'opinion africaine même. On dit, mais les Maliens, là, vous êtes sûr que... On parle de montant en puissance. Vous êtes sûr que ces gens-là font vraiment la sécurité? Alors que le pays est déjà sûr. Et vous allez voir que cette psychose-là, ils vont renforcer ça avec des rapports factices sur le Mali qui permettent au Quai d'Orsay de prendre une carte de l'Afrique et de mettre le Mali, le Burkina, le Niger sur la même couleur, c'est-à-dire une couleur rouge. En vous disant, zone très, très dangereuse. Voilà l'objectif. Et si vous prenez l'objectif caché lorsqu'on va peindre le Mali en rouge sur une carte, c'est de faire fuir les investisseurs. De faire croire que le Mali n'est pas un pays attractif. Ce n'est pas un pays sérieux dans lequel on peut investir en ce moment-ci. Une manière de renforcer l'embargo par des mécanismes qui ne s'appellent pas l'embargo contre le Mali. Voilà les enjeux de cette communication. Le Quai d'Orsay qui le fait et qui entretient cela, c'est qu'en fait, c'est des actes d'adversité contre le Mali. Nous avons mobilisé ces enjeux et un ensemble d'éléments pour montrer que c'est une véritable attrition contre le Mali. Elle est aussi sévère que l'attrition que portent les groupes militaires et terroristes sur le territoire malien. C'est la même chose. Ce n'est pas différent. C'est la continuité du terrorisme par le mécanisme du soft power. C'est ça le grand enjeu derrière. La France, pour nous, nous le disons, et c'est sans ambages, la France est un État terroriste en Afrique. La France est un État sponsor et promoteur du terrorisme en Afrique. Son travail diplomatique, son travail médiatique et même son travail sécuritaire concourt à la démultiplication du terrorisme et à l'entretien sur les territoires africains de la logique terroriste. Et tout ceci participe de cette logique-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengenen. Afrique Média, le monde, c'est nous.